Tu voulais que je te fasse un texte? Et ben voilà un geste pour toi. Pop pétard. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse B? Quand je te croise dans la rue, tu manques de respect. Tu te la teubes et tu te la joues. Tu ouvres ta grande gueule, direct pour te la fermer. Faut te recouvrir d'un linceul. Ne me pousse pas, l'envie est fort. Au fond de moi, tu me retranches dans mes cordes. Et ça, je ne pardonne pas. Toujours avec ma chair et mon sang. Avec un enfant innocent pour te manger des wads. Et ça, ça me fout la haine. Tu comprends, ça me fout la rage. T'as pu faire de moi ce que tu voulais. Mais ce temps-là est fini. Je ne me conduirai plus comme un boulet désormais. Car toujours en tête que ce qui t'arrive est ta faute. Au cas pour toi, t'en prends profondément, profondément doux. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Yeah. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Yeah. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Yeah. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse? Que feras-tu contre moi, petite tasse, petite tasse B? Tu as cru pendant longtemps avoir l'ascendant sur moi. Je me suis trop laissé faire, je remets la faute sur moi. Je remets la faute sur moi. Moi, bitch, mea culpa. La vérité, je suis triste, mais sur mon visage, ça ne coule pas. Mon visage est trop sec, les larmes s'aspirent elles-mêmes. C'est les conséquences d'une vie active dans ce 18ème. Tu pourras pas me la faire, je connais trop ce vice. La seule différence dans cette histoire, aucun rapport avec le bif. Mais t'inquiète pas, j'en connais un rayon sur jouer le bâtard. C'est les bases au vieux scala qu'on apprend à jouer le score, le placard. Je sais mille manières de te faire souffrir. Je veux t'entendre me supplier dans un dernier soupir. Que feras-tu contre moi, petite tasse B? Yeah. Que feras-tu